Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin à la fin du chapitre 14 que nous allons terminer et nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, c'est à tes pieds qu'on se courbe au début de cette semaine. Nous voulons encore une fois méditer pendant la semaine qui vient sur les vérités que tu as énoncées dans ce livre de l'Apocalypse. Ô Seigneur, nous te supplions que par ton esprit, tu puisses nous amener à comprendre le message que tu voulais transmettre à l'Église. Donne-nous la grâce de ne pas rechercher quelque chose, mais bien de recevoir quelque chose de toi à travers ces enseignements-là. Et nous te prions que tu puisses, par ces enseignements-là cette semaine, tu puisses nous aider, nous tes enfants, à persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons résumer, si vous voulez bien, un petit peu. Donc, on a vu au chapitre 13 l'arrivée des deux bêtes, parce que Satan avait été lancé sur la terre avec ses démons, au chapitre 12. Et au chapitre 13, nous voyons que Satan s'affilie deux bêtes, une bête qui sort de la terre et une bête qui sort de la mer. Et ces deux bêtes vont être des instruments dans les mains du diable pour que le monde puisse l'adorer lui. On voit qu'il guérit la première bête et le monde adore le dragon et la bête. Ensuite, la deuxième bête, plutôt religieuse, va emmener le monde par des prodiges et par des miracles et par toutes sortes de choses qu'elle va faire, emmener le monde à adorer la première bête et le dragon. On a vu à la fin du chapitre 13 qu'une marque est donnée à ceux qui appartiennent à la bête, qui adorent la bête. Donc, toute personne qui va délibérément adorer la bête va recevoir la marque de la bête. Comme délibérément ceux qui adorent Dieu reçoivent la marque de Dieu. Et on a vu au début du chapitre 14, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont reçu la marque de Dieu? Ils vont être sur la montagne des Sion qui, pour moi, symbolise la présence de Dieu. Ils vont chanter des louanges, ils vont adorer Dieu, ils vont suivre l'agneau de Dieu pour toujours. Et on a vu que ceux qui vont prendre la marque de la bête vont subir la colère de Dieu. Quand est-ce que cette colère va venir sur le monde? Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans le chapitre 14, partie du verset 13 jusqu'à 20. On va parler ce matin de la moisson. C'est le symbole que Dieu va prendre pour parler du moment où la moisson va venir et qu'est-ce qui va arriver au moment de la moisson. Donc, nous allons commencer par lire le texte à partir du verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans ses mains une fossée tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossée et moissonne, car l'heure de la moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossée sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossée tranchante. Un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossée tranchante, disant, « Lance ta fossée tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa fossée sur la terre, Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande coupe de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. À plusieurs reprises, la moisson est utilisée comme symbole dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, on a la moisson qui est faite pour le rassemblement des croyants. Quand Jésus dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Et là, on parle de moissonner l'Église, les élus. Jésus a dit aux apôtres, vous croyez qu'il y a encore 4 mois à la moisson? Moi, je vous dis que la moisson est prête. Allez moissonner. Et on parle de moissonner ici, c'est l'Église. Paul va dire qu'on est des co-ouvriers avec Dieu dans la moisson. Donc, la moisson, dans le Nouveau Testament, est utilisée pour le rassemblement des croyants. On moissonne, on rassemble les épis de blé. Mais la moisson est aussi utilisée pour le signe de jugement. Quand Jésus parle de la moisson dans les paraboles, la moisson est souvent fait rapport au jugement dernier. Donc la moisson, c'est premièrement le symbole de rassembler quelque chose. On moissonne, ou ici on vendange les fruits ou les légumes ou les céréales qu'on veut ramasser, on appelle ça la moisson. Donc ici, on parle de moissonner. Et comme le restant du livre, il y a différentes interprétations de la moisson. Nous allons essayer de comprendre le texte aussi simplement que possible. Premièrement, le verset 13 nous dit ceci. Heureux ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Donc, il dit, si vous mourrez présentement, si vous êtes de ceux qui mourrez pour la foi, dit, réjouissez-vous, parce que vos œuvres, vos travaux vous suivent, vous accompagnent, donc vont démontrer votre foi. Il dit, heureux êtes-vous. Moi, je crois ici, personnellement, je crois qu'il compare ce groupe-là avec le groupe du verset 14 au verset 20, qui va être illustré par la moisson. Il dit, vous mourrez présentement, vous, enfants de Dieu, vous, Église, à qui Jean parlait, vous mourrez pour la foi. Mais il dit, réjouissez-vous de mourir pour la foi. Parce que vous êtes déjà, je pourrais dire, vous avez déjà démontré votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez gardé l'évangile du Seigneur jusqu'à la fin. Donc, il dit, réjouissez-vous. Ne soyez pas triste d'être persécuté et de mourir pour votre foi. Plutôt, réjouissez-vous. Parce qu'il s'en vient, ça va être triste, ça va être douloureux, ça va être catastrophique. Parce qu'il parle de la colère de Dieu qui s'en vient. On a vu ensemble, à partir du chapitre 8, 9, 10, 11, la colère de Dieu s'amplifie contre ceux qui sont des idolâtres, contre ceux qui n'ont pas gardé l'Évangile, contre ceux qui se sont rebellés contre Dieu, contre ceux qui blasphèment son nom, contre ceux qui ont pris la marque de la bête, délibérément au lieu de prendre la marque de Dieu. Et là, il dit, au verset 14, dans cette vision-là, il voit quelqu'un qui est assis sur un nuage et qui ressemble à un homme et qui a une faucille dans la main. Faucille, instrument de récolte. On coupe le blé et on le mettait dans ce temps-là en gerbe pour la rassembler. Donc, l'instrument pour faire la récolte de blé, c'est la faucille. Quand est-ce faisons-nous la récolte? Quand la récolte est mûre. C'est ça qui détermine le moment de la récolte. Quand la récolte est mûre, on appelle les moissonneurs et on fait la récolte. Et là, Jean voit un autre ange qui sort du temple et qui s'adresse à celui qui l'a faussé, puis lui dit, jette ta faucille sur la terre afin de moissonner. Et l'ange lance sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Ici, parmi les croyants, on voit deux récoltes différentes. Certains croyants disent que la première, c'est la récolte des croyants. Et que la deuxième, c'est la récolte des non-croyants. C'est une façon de voir. Mais peu importe, la récolte se fait. Mais personnellement, je crois plutôt qu'on parle de deux fois de la même récolte. C'est la récolte pour manifester la colère de Dieu. On rassemble les non-élus, ceux qui n'ont pas cru. On rassemble ceux qui n'ont pas gardé la foi. On rassemble ceux qui sont des idolâtres. On rassemble ceux qui ont la marque du diable ou de la bête. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je pense que c'est deux fois la même vérité. Ça, c'est pas la première fois qu'on fait cela. Donc, on attend que la récolte soit mûre. Quand est-ce que la récolte va être mûre? Moi, je crois, c'est quand on a terminé de rassembler les élus de Dieu, on a terminé de marquer ceux qui appartiennent à Dieu, on a terminé de marquer ceux qui appartiennent à la bête, donc c'est fini le temps d'identification, le tri est fait, la séparation est faite. Donc, il y en a qui appartiennent à Dieu, ils sont étampés du sceau de Dieu. Il y en a qui appartiennent au diable ou à la bête, ils sont étampés du sceau de la bête. Donc, maintenant, c'est le temps de la récolte. On a séparé le mauvais grain et le bon grain. Je crois que heureux sont ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et malheureux ceux qui ne sont pas dans cette gang-là. Ils sont plutôt de ceux qui ont fait mourir ceux qui étaient dans le Seigneur. Au verset 17, il y a un autre ange qui sortit du temple, et lui aussi, il a une faucille tranchante dans sa main. Même instrument pour faire, cette fois-ci, une autre récolte. Au verset 18, un autre ange qui avait l'autorité sur le feu sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante et dit, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Encore une fois, c'est la même chose, c'est mûr. Et là, on va faire la vendange. Et l'ange lance sa faucille sur la terre et on récolte les raisins. Et qu'est-ce qu'on fait avec les raisins? On les met dans la cuve de la colère de Dieu. Et pourquoi qu'on les met dans la cuve de la colère de Dieu? C'est parce que quand on mettait les raisins dans la cuve, là, les gens se levaient et embarquaient dans la cuve et on piétinait le raisin jusqu'à temps que le raisin, le jus de raisin coule. Et on se servirait de ce jus de raisin-là pour faire le vin. Mais là, au lieu du vin, au lieu du jus de raisin qui coule de la cuve, c'est du sang qui coule. Et le sang va couler, il va en avoir tellement de sang jusqu'au mort des chevaux. Si on prend un cheval normal, standard. Moi, je sais, jusqu'au mort, ça veut dire que jusqu'au à la bouche des chevaux, c'est pas loin d'un 3 à 4 pieds de haut. Sur 1600, sur 1600 stades. Ce que j'avais lu une fois, c'était entre Montréal et Winnipeg. Donc, la moitié de la grandeur du Canada, quasiment. Je crois pas qu'il faut prendre ça de façon littérale, mais de façon imagée, ça va être énorme. Il va en avoir du sang. Imaginez-vous, 4 pieds de haut et c'est une longueur de milliers de kilomètres. La colère de Dieu se manifeste au moment de la moisson. Pourquoi je crois que c'est les deux fois la moisson du blé et la moisson de la vendange, c'est la même façon? Je me fie en partie aux expressions de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'était pas rare de répéter deux fois le même jugement. Vous vous souvenez, les rêves de Pharaon, deux fois il rêvait la même chose. Mais ça avait juste une vérité. Je vais vous lire un texte, s'il vous plaît, dans Joël. Joël 3, verset 11. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là où, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossée, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Donc, si vous remarquez ici, Joël parle de la même événement, si vous allez lire le contexte de Joël, du jugement dernier, et il emploie les deux. Sors ta fossée car la moisson est mûre, car le pressoir est plein. Donc, on parle de la moisson de blé et on parle du vendange, encore une fois, et c'est le même événement. Donc, pour moi, les deux fossés sont un exemple double de la colère de Dieu qui va se répandre sur le monde. Quel beau texte pour encourager l'Église à persévérer. On se rappelle que l'Église est dans un temps de tourmente, dans un temps de tribulation forte, dans un temps de persécution forte. Il dit au verset 13, heureux, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Si vous avez des frères, des amis qui sont morts dans le Seigneur, heureux sont-ils. Et si vous, vous devez mourir pour le Seigneur, heureux êtes-vous. Car le jour de la moisson vient où que Dieu va répandre sa colère sur le monde. Et ça va être une colère d'une grande force. C'est avec une grande puissance que Dieu va frapper la terre de sa colère. Notre Père du ciel, merci que tu nous dis que ceux qui meurent dans le Seigneur, ça veut dire que dans la foi, on se réjouit parce que nos œuvres nous suivent. Et les œuvres vont démontrer que nous sommes tes enfants et que nous avons gardé la foi. Et Seigneur, en même temps, c'est un grand encouragement à ceux qui ne se sont pas repentis de se repentir. Car le jour de la colère de Dieu va s'abattre sur toute personne qui ne s'est pas repentie. Aide-nous, Seigneur, à bien visualiser ce grand jour où est-ce que la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Au nom de Jésus, Amen.